بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فخيرنا الله عز وجل، يسرنا الله عز وجل، السلام عليكم ورحمة الله. Voici les rencontres du bien qui se renouvellent, et inshallah avec se renouvelle la foi et le conseil. Et nous nous rencontrons cette fois-ci autour d'un livre dont nous avons besoin, qui est le livre de son éminence, Cheikh Rabi Hafidahullah Ta'ala, La Voix, Manhaj al-Anbiya, Fi Da'wati ila Allah, Fiha al-Hikmat wa al-Aql, La Voix des Prophètes alayhi salatu wassalam, dans la Da'wah, dans la voix des Prophètes alayhi salatu wassalam, il y a la raison. Et Cheikh Rabi' n'a pas besoin qu'on le fasse. Fayakfi Cheikh Rabi' sharafan. Annahu luqiba min al-Sheikh Nasr Dil Albani rahmatullah alayh bihamil liwa al-jarh wa al-ta'dil. Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala n'a pas besoin que quelqu'un comme moi vous le fasse connaître. Ça suffit comme honneur à Cheikh Rabi' hafidhahullah ta'ala, le titre que lui a prodigué Cheikh Nasr rahmatullah alayh. Il l'a appelé le porteur de l'étendard, de l'éloge et de la réfutation. Qu'on déplaise à ceux qui critiquent Cheikh. وهذا لا يهم من يطعن في الشيخ ربيع. فكل حامل راية وكل مدافع عن هذا المنهج المبارك لا بد أن يطعن فيه. والذين يطعنون في الشيخ ربيع الطعن فيهم أولى. Et donc, peu importe ceux qui critiquent Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala. Alors que la critique devrait mieux se tourner contre eux. Et tout porteur d'un étendard et d'un drapeau et qui défend la voix du plus élevé, c'est normal qu'on le critique. Et Cheikh Rabi' Hafidhahullah Ta'ala, c'est une épine dans la gorge de tous les activistes et de tous les hizbis et de tous ceux qui sont en divergence avec la voix de Nupuzer d'Allah alayhim. C'est un combattant sur ce sentier avec sa plume, avec sa langue, avec les conseils qu'il donne à la communauté de Mohammed alayhi salatu salam, à la communauté musulmane à travers le monde. C'est un conseiller pour les hommes de science, c'est un conseiller pour les demandeurs de science, et c'est un conseil aussi pour cette jeunesse, pour la jeunesse musulmane qui a une grande place dans son cœur, qu'elle il pense beaucoup, et il l'oriente. Fa ikhwat al-islam, al-jinayatu 'ala al-ulama kharqun fi ad-din. Wa min huna qala al-imam Tahawi rahimahullah ta'ala fi 'aqidatihi wa 'ulama as-salaf min as-sabiqin wa man ba'dahum min at-tabi'in ahlu al-khayr wal athar وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. Le fait de critiquer et de parler en mal des hommes de science, ceci, c'est une défaillance de la religion de la personne. Partant de là, surtout, et surtout, les hommes de science de la voix de nos plus élevés, d'Allah alayhim. Et partant de là, l'imam Tahawi, rahmatullah alayhi, dans son dogme, il a dit: et les hommes de science, dit al-Salaf, que ce soit les premiers et ceux qui arrivent avec eux et leurs successeurs, les gens du bien et qui suivent la trace, les gens de la jurisprudence et de la science, on ne les cite qu'avec le bien. Et celui qui parle d'eux en mal, il n'est pas sur la bonne voie. فماذا تقول يا من ترمي الشيخ ربيع حفظه الله تعالى بالإرجاء وتدعي أنك على السبيل وتستخف بجهوده التي باركها أهل العلم وقبلوها قبولا حسنا. Qu'est-ce que tu dis toi qui critique Cheikh Rabi ou là qui traite Cheikh Rabi d'être mangé et tu prétends que tu es sur la bonne voie alors que les hommes de science ont béni et ont approuvé les livres de Cheikh Rabi et les efforts que fait Cheikh Rabi et la défense que fait Cheikh Rabi pour cette voie de ne plus erreur d'Allah alayhi. قال ابن المبارك رحمه الله تعالى من استخف بالعلماء ذهبت آخرته ومن استخف بالأمراء ذهبت دنياه ومن استخف بالإخوان ذهبت مروءته. فايكوت سي بارول دو نو نوبل زيول رضوان الله عليه. ابن المبارك دو نو دير celui qui critique et qui avilit les hommes de science, ça il a perdu son au-delà. Et celui qui critique et qui avilit les gouverneurs, son bas-monde, il est parti. Et celui qui avilit et qui traite les frères, celui-là, sa sagesse, son comportement est parti. Wa qala al-imam Ahmad ibn al-Adra'i rahimahullah, al-waqi'atu fi ahli al-ilm wa la siyama akabirhum min kaba'ir ad-dunub. Et l'imam Ahmad ibn al-Adra'i a dit le fait de critiquer les hommes de science et surtout les grands fait partie des péchés capitaux. Et il est évident que Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala fait partie des grands. Et il est dans une spécialité et sur un front où il mène un combat que peu mènent à notre époque pour défendre la voie de nos plus élevés, d'Allah Alim. Pour que la voie soit claire à la jeunesse et à la communauté de Mohammed alayhi salatu wassalam. فهل تنكر يا من ترمي الشيخ ربيع بما ترميه به بأنه من أكابر العلماء وأنه من أئمة السنة في هذه الزمان وحامل لواء الجرح والتعديل؟ Toi maintenant qui critique et qui dit n'importe quoi sur Cheikh Rabi, est-ce que tu ne reconnais pas qu'il fait pas partie des grands hommes de science de notre époque et qu'il fait partie des grands imams de la Sunna et qu'il est le porteur de l'étendard, de l'éloge et de la réfutation? Fasma' li qawli Ja'far ibn Sulayman rahimahullah yaqul sami'tu Malik ibn Dinar yaqul kafa bil mar'i sharran alla yakuna salihan wa huwa yaqa'u fi as-salih bis salihin. Écoute maintenant la parole de Ja'far ibn Sulayman. Il a dit: j'ai entendu Malik ibn Dinar dire: ça suffit à l'être humain comme mal de ne pas être un vertueux et il critique les vertueux. والذي يطعن العلماء ويطعن الشيخ ربيع وامثال الشيخ ربيع كشيخ عبيد والشيخ عبد المحسن العباد ومن نحى نحوهم فهؤلاء لا يضرون الا انفسهم. Et ceux qui critiquent les hommes de science comme Cheikh Rabi, Cheikh Obaid, Cheikh Salih Suhaimi, Cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, Cheikh Abdel Malik Ramadani et autres, ceux-là, ils ne font de mal qu'à eux-mêmes. وهم من شرار عباد الله بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر الله، وشرار عباد الله المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة. Et ceux qui parlent mal des hommes de science et des hommes de science de la voie de nos plusieurs de Allah alayhim, ceux-là font partie des pires serviteurs d'Allah Azza wa Jal. Et ceci avec l'attestation de notre prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit alayhi salatu wassalam dans ce qui est rapporté dans Targhib ou Targhib: les meilleurs des serviteurs d'Allah, ce sont ceux quand on les voit, on se rappelle Allah. Et les pires des serviteurs d'Allah, ce sont ceux qui marchent avec du colportage pour séparer ceux qui s'aiment entre eux. Et quoi de plus grave que de séparer la jeunesse de ses hommes de science et des grands de la communauté? Et ceux-là qui agissent ainsi sont des gens qui font du mal sur terre. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah ne fait pas, ne rend pas bien les actes de ceux qui font mal. وهؤلاء عرضة لحرب الله سبحانه وتعالى. القائل في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. Et ceux-là, ils sont exposés à la guerre d'Allah Azza wa Jal, qui a dit dans un hadith Qudsi, celui qui s'oppose et qui se met comme ennemi à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et il est évident que les hommes de science qui suivent la voie du puiseur d'Allah, ce sont eux, rentrent en priorité dans les alliés d'Allah Azza wa Jal. Et ceux-là n'ont ألا يخافون أن يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوة هذا العالم المظلوم فدعوة المظلوم ولو كان فاسقا ليس بينها وبين الله حجاب فكيف بدعوة ولي من أولياء الله عز وجل ومدافع عن منهج السلف وعن سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى قال ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه السلاء N'ont-ils pas peur d'être exposés à la da'wa, au du'a, de ce noble homme de science, à cet homme de science sur qui on commet des injustices? Car le du'a de quelqu'un sur qui on commet des injustices, même s'il est pervers, il n'y a pas de voile entre elle et Allah Azza wa Jal. Comment il en est d'un allié d'Allah qui défend la voie du puiseur d'Allah Alim, alors qu'il est dit dans le hadith, chez l'imam Bukhari, si l'allié demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, il lui donne. S'il cherche refuge auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va le protéger. Ala yattaqillah, alladhina yarmouna al-Sheikh Rabi' wa al-Sheikh al-Albani wa ghayrum min aimmati al-da'wa al-salafiyya, mimma hum minhu bura'a, kabara'ati al-di'bi min dami Yusuf, alayhi salatu wa salam. Ne craint-il pas Allah, azza wa jal, ceux qui critiquent Cheikh Rabi', qui critiquent Cheikh Al-Albani et qui les décrivent des choses duquel ils sont innocents, comme est innocent le loup du sang de Yusuf alayhi salam. وليعلم أنه يخشى على من تلدد بغيبة العلماء والقدح فيهم بأن يبتلى بسوء الخاتمة والعياذ بالله. Il faut savoir, il faut avoir peur que celui qui prend plaisir à médiser sur les hommes de science et à les critiquer, qu'ils ne soient pas éprouvés par une mauvaise fin. Et en plus de ça, celui هذا الخائض في أعراض العلماء ظلما وعدوا إن حمل عنه ذلك واقتدي به فقد سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة والدال على الشر كفاعله والسعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته قال عز وجل ونكتب ما قدموا وآثارهم فانظر يا من أطلقت لسانك في الشيخ ربيع وفي الشيخ الألباني وفي غيره من أئمة السنة كم من واحد يروج كلامك في مشارق الأرض ومغاربها Et ceux qui prennent plaisir à critiquer, à parler en mal des hommes de science, injustement. Cela, si on prend d'eux ces paroles et qu'on les prenne comme exemple et qu'on propage ces paroles, leurs paroles, ceux-là, ils ont fait une mauvaise sunna. Ils auront le châtiment de la sunna qu'ils ont fait et le châtiment de ceux qui la mettent en application le jour de la résurrection. Car celui qui oriente vers un mal, il aura, c'est comme celui qui le fait. Et le plus heureux parmi nous, c'est celui quand il meurt, ses péchés meurent avec lui. Car il est dit dans le verset, et nous écrivons ce qu'ils ont devancé et ce qu'ils ont fait. Donc, toi qui lâches ta langue à médiser, à dire n'importe quoi sur Cheikh Nasr, rahmatullah alayh, sur Cheikh Rabi', sur Cheikh Ibn Baz et sur le Mashaykh de la Da'wa Salafiyya, regarde combien de personnes propagent tes paroles à travers la planète, au nord et au sud de la planète. وروي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لحوم العلماء مسمومة فمن شمها مرض ومن أكلها مات وطبعا هذا في علماء أهل السنة أما جرح دعاة الضلال وعلماء السوء ما جرحهم من قبل أهل العلم فهذا لا يدخل في هذا الباب. Il a été rapporté de l'imam Ahmad rahimahullah ta'ala, il a dit que la chair des hommes de science, il est empoisonné. Celui qui la sent, il tombe malade. Et celui qui la mange, il meurt. Et naturellement, ceci concerne les hommes de la sunna, de la voie du puiseur d'Allah alayhim, et non pas, ils ne concernent pas les critiques que font les hommes de science contre les du'as de l'égarement et les hommes de science de l'égarement, etc. Il faut bien faire la différence entre les deux cas. وقال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك لمرضاته وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته أن لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمر عظيم والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم. الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى de nous dire, sache, frère en Allah Azza wa Jal, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accomplisse vers un chemin qu'il agrée et qu'il fasse que nous soyons parmi ceux qui le craignent et qui préservent ses droits comme il se doit, que la chair des hommes de science, elle est empoisonnée et fait partie de la sunna d'Allah, c'est de s'occuper de ceux qui les négligent et de ceux qui les critiquent. Car le fait de dire d'eux des choses duquelles ils sont innocents, ceci est une énorme situation. Et le fait de parler de leur honneur et de mentir sur eux, c'est ceci est quelque chose de très mauvais. وقال أيضا رحمه الله تعالى ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب. الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. Et celui qui lâche sa langue à critiquer les hommes de science, Allah subhanahu wa ta'ala l'éprouve avant sa mort avec la mort de son cœur. فيقال للذين يتطاولون بألسنتهم على الشيخ ربيع وعلماء أهل السنة عامة ويتهمونهم بما ليس فيهم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ويقال لهم ما كان الشيخ الألباني رحمة الله عليهم يقول ويكرر وعند الله تجتمع الخصوم. Et il dit à ceux qui n'arrêtent pas avec leur langue à dire n'importe quoi sur Cheikh Rabi', sur Cheikh Al-Albani, sur le Mashaykh de Salafia et qui les accusent de choses duquel ils sont innocents, il leur dit ce verset: faites ce que vous voulez, Allah subhanahu wa ta'ala voit ce que vous faites. Et on leur dit aussi ce que Cheikh Nasr rahmatullah a répété lui-même: Inch'Allah se rencontre ceux qui sont en litige. Inch'Allah se rencontreront ceux qui sont en litige. Fa ta'n l'ulama السلفيين هذا خطير جدا ويسبب في تعطيل الانتفاع بعلمهم. Le fait de critiquer les hommes de science qui sont sur la voie de nos puiseurs d'Allah alayhim et qui défendent la voie de Mohammed alayhi sallatu salam, ceci amène, cause le fait de ne pas profiter de leur science. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الديك لأنه يدعو إلى الصلاة فكيف يستبيح أقوام إطلاق ألسنتهم في ورثة الأنبياء الداعين إلى الله وفق منهج سلف هذه الأمة. Donc le Rasoul صلى الله عليه وسلم interdit le fait d'insulter le coq parce qu'il appelle à la prière. Qu'en est-il de ces gens qui n'arrêtent pas de lâcher leur langue et de dire n'importe quoi sur les héritiers des prophètes alayhi sallatu salam, sur ceux qui appellent vers la voie d'Allah et la voie de son messager alayhi sallatu salam, selon la voie et la compréhension des puiseurs d'Allah alayhim. Qala Abu Darda rahimahullah radiyallahu ta'ala wa arda ma nahnu lawla kalimatul fuqaha. ما نحن لولا كلمات الفقهاء. أبو الدرداء رحمه الله disait رضي الله عنه Qu'est-ce que nous sommes sans les paroles des jurisconsultes, des hommes de science? Qu'est-ce que nous sommes sans leurs paroles? وكان الحسن البصري رحمه الله يقول الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء. الحسن البصري رحمه الله il dit ce bas monde c'est des ténèbres sauf les assises des hommes de science. ومن مخاطر الطعن في العلماء أن القدح بالحامل يفضي إلى القدح بما يحمله من الشرع والدين. Et fait partie aussi du danger, du fait de critiquer les hommes de science qui sont sur la voie de ne plus être d'Allah alayhim, c'est que le fait de les critiquer, c'est critiquer la législation et la religion qu'ils portent. C'est critiquer le message qu'ils véhiculent. C'est critiquer la voie qu'ils défendent. فنسأل الله السلامة والعافية من هذا المرض. وسلفنا الصالح فقهوا هذه الحقيقة وتنبهوا لمراميها البعيدة فكشفوا عوارها وهتكوا سترها. فعن مصعب بن عبد الله قال حدثني أبي عبد الله الزبيري قال قال لي أمير المؤمنين المهدي يا أبا بكر ما تقول في من تنقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قلت زنادقة قال ما سمعت أحدا قال هذا قبلك قال قلت هم قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقص فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك فتنقصوا هؤلاء عند أبناء هؤلاء وهؤلاء عند أبناء هؤلاء فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصحبه صحابة السوء وما أقبح بالرجل أن يصحبه صحابة السوء فقال ما أراه إلا كما قلت. Donc, le plusieurs doit Allah alim ont compris cette réalité. Ils ont vu le danger de cette situation du fait de critiquer les nobles de la communauté. Ils se sont battus. Ils ont dévoilé la situation. Il est rapporté dans Tariq Baghdad que Abu Abdullah Zubayr a dû dire que l'émir des croyants, le Mahdi, lui a dit « Ya Aba Bakr, qu'est-ce que tu dis dans celui qui critique les compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam ?» Il a dit « C'est un zindiq. Ceux-là, ce sont des zanadiqa. Zanadiqa, ça, c'est le fuqaha, ça veut dire hein, l'hypocrite. » Et il a dit, Aba Bakr a dit, j'ai entendu, je n'ai jamais entendu, le prince, le Mahdi lui a dit, je n'ai pas entendu quelqu'un avant toi dire ce que tu as dit. Et il lui a dit, lui a expliqué la situation, il a dit, ça ce sont des gens qui voulaient critiquer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et diminuer de la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont pas trouvé de moyen pour y arriver. Et qu'ils voyaient que s'ils critiquent directement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne va les suivre. Donc ils sont allés à critiquer ses compagnons, chez leurs enfants, et les autres, chez les enfants des autres, et ainsi de suite. Pour que les autres, ils disent, Hada Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a accompagné que par les mauvais. Et il est mauvais l'homme qui est dans la compagnie est mauvaise. Et après, Emir, le Mahdi lui a dit, je vois ce que tu vois, ce que tu as dit est vrai. Enfin, ceux qui critiquent Cheikh Rabi', ils ne critiquent pas la personne de Cheikh Rabi'. Mais il critique l'étendard que porte Cheikh Rabi'. Il critique la voix que porte Cheikh Rabi'. Il ne peut pas aller directement et critiquer cette voix, mais il oriente leur flèche vers Cheikh Rabi'. Pour que la jeunesse dise si c'est comme ça, donc Cheikh Rabi', c'est l'un des imams d'El Salafia. Donc, ça veut dire que Salafia est mauvaise et les Salafis sont mauvais. Ben voilà où ils veulent en venir. Et ceci est très dangereux. فكل من أراد الطعن في هذا المنهج طعن في رجله في رجاله وفي حملته وفي الدابين عن حوزته. Donc tout un chacun qui veut critiquer la voie de nos plusieurs d'Allah alayhim, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement aux hommes qui portent l'étendard de cette voie de nos plusieurs d'Allah alayhim et qui la défendent. Soufiane ibn Waqi'a a dit قال سفيان بن وكيع أحمد الإمام أحمد عندنا محنة، من عاب أحمد فهو عندنا فاسق. سفيان بن وكيع عافدي رحمة الله عليه، الإمام أحمد شنو سيت اون إبخوف سيت ان إكزامان، سلوي كي الكريتيك سلوي كي بارلو مال دو لوي سيت ان بيرفير. ف la même chose pour nous maintenant. Celui qui critique Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Albani, Cheikh Muqbil, Cheikh Rabi', Cheikh Ubaid, c'est des fondeurs de la voie de l'épuisère d'Allah. Qu'est-ce qu'il est pour nous? Alors, ils ne les critiquent pas pour leur personne. Alors, ils les critiquent pour ce qu'ils défendent, ce qu'ils portent, pour leur voie. C'est pour ça qu'il faut faire très attention, frère, en Allah Azza wa Jal. Fahada, كتاب شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله كتاب مهم جدا، يبين لك عوار هؤلاء الحزبيين وهؤلاء الحركيين، ويبين لك الطريق التي كان عليها محمد عليه الصلاة والسلام واصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. Ce livre qui est en face de nous, qui est la voie des prophètes عليه الصلاة والسلام dans الدعوة. Ceci est un livre que les Hizbis n'aiment pas et les activistes n'aiment pas parce qu'il montre, il les montre, il te donne des règles et des bases qui te permettent de faire la part des choses et qui te permettent d'avoir une loupe pour bien pour voir la réalité de ces Hizbis et de ces activistes. Et ils l'ont pas bien accueilli, la jeunesse musulmane qui respecte la sunna, qui est sur la sunna, au moment de la sortie de, son, de ce livre, ils l'ont accueilli comme il se doit. Mais les Hizbis, hein, ils ont fait tout. Ils ont critiqué, comme vous allez le voir, et vous allez l'entendre. فموضوع هذا الكتاب موضوع مهم جدا ونحن بحاجة إليه اليوم ويحتاجه الشباب ويحتاج الشباب فهم هذا الموضوع لأن المناهج كثرت واختلفت وتضاربت، فالواجب على الشباب خصوصا في عصر الشبهات الذي نعيشه أن يتعلم منهج الأنبياء حتى لا يكون فريسة لهذه المناهج الجديدة التي تأثر بها الكثير من شباب المسلمين لجهلهم وعدم تعلمهم منهج الأنبياء. Donc le sujet de ce livre est un sujet qui est très important. Important. Et il est énorme comme sujet. Nous en avons besoin aujourd'hui. Et la jeunesse a besoin de comprendre cette voie des prophètes alayhi wasallam. Car les voies sont nombreuses maintenant, un déluge de voies. Et les voies sont diverses et ils sont en divergence entre elles. Donc il est obligatoire pour la jeunesse, particulièrement à cette époque des ambiguïtés que nous vivons, d'apprendre la voie des prophètes alayhi wasallam pour qu'ils ne deviennent pas une proie à ces voies nouvelles. À ces voies qui sont en divergence avec la voie des prophètes alayhi wasallam. Ces voies qui ont emporté une grande masse de la jeunesse musulmane parce qu'ils sont ignorants, parce qu'ils n'ont pas appris la voie des prophètes alayhi wasallam. ويعتبر هذا الكتاب كتاب الشيخ العلامة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى من أفضل الكتب التي ألفت في المنهج عموما وفي موضوع الدعوة خصوصا. ولقد كان خرج كتاب بمثل هذا العنوان لذلك المسمى محمد سرور زين العابدين هداه الله ورده إلى الحق وإلا راح المسلمين من شره. وكتاب هذا الرجل أساء فيه أيما إساءة إلى دعوة الأنبياء حيث وصفها بأنها دعوة ثورية وبأن كل نبي من الأنبياء إنما واجه قومه مواجهة عنيفة بحسب القضية المثارة ذلك الوقت. Et le livre de son éminence, Cheikh Rabi Hafidhahullah Ta'ala, est l'un des plus nobles livres qui a été écrit dans le Menhej en général et concernant ce sujet en particulier. Et aussi, à une certaine, il y a quelques années en arrière, est sorti un livre dont le titre est similaire. Mais ce livre, il est de Mohamed Sorour, hein, le chef de la secte d'Al Sourouria. Sorour. Zin l'Abidin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le guide et qu'il le ramène vers la vérité ou là qu'il soulage la communauté de son mal. Et le livre de Sorour, Hada, il a parlé au mal Et il a critiqué, il a parlé en mal de la da'wah des prophètes alayhi salatu. Il a présenté la da'wah des prophètes alayhi salatu salam, il a décrit leur da'wah comme quoi c'est une révolution. Et que chaque prophète, parmi les prophètes, s'est confronté avec son peuple, une énorme confrontation, une sévère confrontation, selon le sujet qui était connu à cette époque. فمثلا في كتابه هذا صور نبي الله لوط في صراع مع قومه حول مسألة إتيانهم الذكران من العالمين وجعلها قضية القضايا وأنها أهم من التوحيد وقال إن قوم لوط حتى ولو استجابوا لله ورسوله وهم مقيمون على هذه الفاحشة فإن هذا لا ينفعهم فهكذا خيل له شيطانه أن كل نبي من الأنبياء اهتم بمسألة هي مسألة عصره إيه Par exemple, Surur a décrit le prophète d'Allah, Azzawajal, Lot, alayhi salatu salam, dans un combat avec son peuple, tout simplement sur le sujet de la sodomie. Puisqu'il sodomisait les mâles. Donc, il a dit que, dans son livre, que tout le message de Lot était autour de la sodomie, qui était le sujet essentiel. Voilà. Lot n'a pas appelé au monothéisme. Et il sort de son livre comme quoi le sujet de la sodomie et le combat qu'a amené l'autre contre la sodomie est plus important que le monothéisme. Il a dit que le peuple de l'autre, même s'ils avaient répondu à Allah et à son messager, et ils continuaient à faire cet acte blâmable qui est la sodomie, ceci ne leur aurait été d'aucun bien. Ainsi lui a fait imaginer son shaitan que tout prophète s'est occupé du problème de son époque. وطبعا إخوة الإسلام هؤلاء السروريين يريدون بهذا أن يصوروا لنا بأن المسألة تختلف من عصر لآخر. Et naturellement, ces sororis veulent nous faire comprendre quoi? Que la situation change d'une époque à une autre. Et que même la façon de faire dawa et les choses vers lesquelles on va appeler vont changer. Et je l'ai senti une fois, j'ai visité à une certaine époque, on ne savait pas, il y a quelques années en arrière, on ne savait pas réellement faire la part des choses. J'ai visité un des da'is à Bruxelles. Et à ce moment-là, il sortit le livre, les critiques, les critiques du Sayyid Qutb sur les compagnons de Mohammed de Cheikh Rabih, où il sortait ses grandes catastrophes et ses tawam. Et l'homme que j'ai visité, il avait une photocopie de ce livre, il m'a dit, regarde, qu'est-ce qu'ils veulent ceux-là, ils n'arrêtent pas de critiquer. Mohamed Ibn Abdelwahab est arrivé à son époque, il a combattu l'associationnisme des tombes. Mais maintenant, Sayyid Qutb, il est à une autre époque. Ça veut dire que la da'wa et que le combat des prêcheurs et le combat des rénovateurs, etc., doit suivre les époques. Vous voyez un petit peu où est-ce qu'ils veulent en venir ? Ainsi la voix des sororis. C'est-à-dire que maintenant pour eux, ce n'est plus l'associationnisme qui compte, qu'il faut combattre. Ce n'est pas l'associationnisme des tombes qu'il faut combattre, ce qu'ils appellent Shirk al-Qusur, l'associationnisme des palais. Il faut faire très attention, frère, en Allah Azza wa Jalla. Wa subhanallah, haoula les sororiyun yukaffiruna al-ilmaniyin wal-hadatiyin. Thumma ya'tuna bimithli kalamihim. نفس الحجة الشيطانية التي أتى بها بنو علمان بأن هذه النصوص الشرعية كانت في زمان غير زماننا وأن قضايا العصر الحديث تحتاج إلى علاج من غير هذه النصوص وبهذا عطل العلمانيون شرع الله بهذه الحجة الشيطانية ويأتيك الملبسين المنحرفين بشبه قولهم إن عمر عطل حد السرقة عام الرمضة فقاموا على هذا دعوتهم بأن الأحكام تتغير ويمكن تغييرها وكذلك هؤلاء السروريون ومن شابهم يكفرون الحكام ثم يأتونك بكلام مثل كلام هؤلاء الحداثيون et les louanges sont à Allah عز وجل que nous soyons sur la bonne voie et sur la voie de ne plus